jamais essayé qui t'aime qu'un béo. Je qui, si son ami quoi conseille, son ami s'il a pas un béo. Moi qui t'en couche, pas ton prince, soit t'es riche, Jacques Melois, danser, c'est le moins qu'un beau quand même. Moi pensais pour me prendre au courrier, macho, là qu'un bébé, si m'te payé, faut que je t'accapite.